Moi aussi je suis fragile. Oui, j'ai des sentiments. Et même que la nuit je pleure, mon cœur n'est pas en ciment. Je ressens de la douleur. Je suis fragile. Oui, je suis fragile. Je suis fragile. Même si parfois je parais dur comme ma queue, j'aime sentir l'odeur de tes cheveux. Imaginer notre vie à deux, gicler accidentellement dans tes yeux. Être maman, être papa, avoir un gosse, pourquoi pas. Je te laisserai sucer mon bout de bois, même si t'avais Ebola. Mais j'ose pas te le dire car tu vas en rire avec tes copines. Mais voilà, Ibi, je te ferai jouir, toi et tes copines. Aujourd'hui, je suis chaud pour tout te dévoiler. Ma bite et mes sentiments, tu pourras t'en emparer. Courons tout nus dans les champs de blé. Et quand je tomberai, oui, tu seras là pour me relever. Et dans tes bras, je pleurerai. Yeah, yeah. Décris-moi en un mot. Fragilité. Ya ya. Ya ya. Je suis fragile. Ya ya. Ya ya. Je suis fragile. Ya ya. Ya ya. Je suis fragile. Ya ya. Ya ya. Je suis fragile.